9 pieds sur 26. Tiens, Figaro. Voilà mon petit chapeau. Trouves-tu mieux ainsi? Sans comparaison, ma charmante. Oh, oh, que ce joli bouquet virginal élevé sur la tête d'une belle fille est doux le matin des noces à l'œil amoureux d'un époux. Que mesures-tu donc là, mon fils? Je regarde, ma petite Suzanne, si ce beau lit que Monseigneur nous donne aura bonne grâce ici. Dans cette chambre? Il nous la cède. Moi, je n'en veux point. Pourquoi? Je n'en veux point. Mais encore. Ah, elle me déplaît. On dit une raison. Si je n'en veux pas dire. Oh, quand elles sont sûres de nous. Prouver que j'ai raison serait accorder que je puisse avoir tort. Es-tu mon serviteur ou non? Tu prends de l'humeur contre la chambre du château la plus commode. Et qui tient le milieu des deux appartements la nuit, si madame est accommodée? Elle sonnera de son côté, zeste en deux pas, tu es chez elle. Monseigneur veut-il quelque chose? Il n'a qu'à teinter du sien. Crac, en trois sommes, voilà rendu. Fort bien. Mais quand il aura teinté le matin pour te donner quelques bonnes et longues commissions, zeste en deux pas, il est à ma porte et craque en trois sauts. Qu'entendez-vous pour ces paroles? Il faudrait m'écouter tranquillement. Qu'est-ce qu'il y a, bon Dieu? Il y a, mon ami, que là de courtiser les beautés des environs, monsieur le comte Almaviva veut rentrer au château. Mais non pas chez sa femme, c'est sur la tienne. Entends-tu qu'il a jeté ses vues, auxquelles il espère que ce logement ne nuira pas? Et c'est ce que le loyal Basile, honnête agent de ses plaisirs et mon noble maître à chanter, me répète chaque jour en me donnant le son. Basile. Ah, mon mignon, si jamais volet de bois vert appliqué sur une échine a dû m'en redresser la moelle épinière à quelqu'un... Tu croyais, bon garçon, que cette dot qu'on me donne était pour les beaux yeux de ton mérite. J'avais assez fait pour l'espérer. Que les gens d'esprit sont bêtes. On le dit. Mais c'est qu'on ne veut pas le croire. On a tort. Apprends. Qu'il la destine à obtenir de moi, secrètement, certains quarts d'heure, seul à seul, qu'un ancien droit du Seigneur, tu sais s'il était triste. Je sais tellement que si monsieur le comte, en se mariant, n'eût pas aboli ce droit honteux, jamais je ne t'eusse épousé dans ses domaines. Eh bien, s'il l'a détruit, il s'en repent. Et c'est de ta fiancée qu'il veut le racheter en secret aujourd'hui. Ma tête s'amollit de surprise. Et mon front fertilisé. Ne frotte donc pas. Quel danger. S'il est peut-être un petit bouton. Des gens superstitieux. Tu ris, friponne. Ah, s'il y avait moyen d'attraper ce grand trompeur, de le faire donner dans un bon piège et d'empocher son or. De l'intrigue et de l'argent, te voilà dans ta sphère. Ce n'est pas la honte qui me retient. La crainte. Ce n'est rien d'entreprendre une chose dangereuse, mais d'échapper au péril en l'amenant à bien. Car d'entrer chez quelqu'un la nuit, de lui souffler sa femme, d'y recevoir 100 coups de fouet pour la peine, il n'y a rien de plus aisé. 1000 sauts coquins l'ont fait, mais... Voilà madame éveillée. Elle m'a bien recommandé d'être la première à lui parler le matin de mes noces. Y a-t-il encore quelque chose là-dessous? Le berger dit que cela porte bonheur aux épouses délaissées. Adieu, mon petit Figaro. Rêve à notre affaire. Pour m'ouvrir l'esprit, donne un petit baiser. À mon amant aujourd'hui, je t'en souhaite. Et qu'en dirait demain mon mari? Eh bien. C'est que tu n'as pas d'idée de mon amour. Quand cesserez-vous opportun de m'en parler du matin au soir? Quand je pourrais te le prouver, du soir jusqu'au matin. Oh! Voilà votre baiser, monsieur, je n'ai plus rien à vous! Mais c'est pas ainsi que vous l'avez reçu! La charmante fille. Toujours riante, verdissante. Pleine de gaieté, d'esprit, d'amour et de délices. Mais sage. Ah, monseigneur. Mon cher monseigneur. Vous voulez m'en donner à garder. Je cherchais aussi pourquoi m'ayant nommé concierge. Il m'emmène à son ambassade et m'établit courrier de dépêche. J'entends, monsieur le comte. 3 promotions à la fois. Vous, compagnon ministre, moi, casse-cou politique, et Suzon, dame du lieu. L'ambassadrice de poche et puis fouet de courrier. Pendant que je galoperais d'un côté, vous feriez faire de l'autre à ma belle un joli chemin, me crottant, mais chinant pour la gloire de votre famille et vous daignant concourir à l'accroissement de la mienne. Quelle douce réciprocité. Monseigneur, il y a de l'abus. Faire à Londres en même temps les affaires de votre maître et celles de votre valet, représenter à la fois le roi et moi dans une cour étrangère, c'est trop de moitié. C'est trop. Pour toi, Basile, fripon mon cadet, je veux t'apprendre à clocher devant les boiteux. Je veux... Non. Dissimulons avec eux. pour les enferrer l'un par l'autre. Attention sur la journée, monsieur Figaro. D'abord, avancez l'heure de votre petite fête pour épouser plus sûrement. Écartez une Marceline qui de vous est friande en diable. Empochez l'or et les présents, donnez le change aux petites passions de monsieur le comte, et très grandement monsieur du Basile, et voilà le gros docteur. La fête sera complète. Bonjour, cher docteur de mon cœur. Est-ce Manos avec Susan qui vous attire au château? Oh, mon cher monsieur, point du tout. Ça serait bien généreux. Certainement, et par trop chaud. Moi qui ai eu le malheur de troubler la vôtre. Avez-vous autre chose à nous dire? On n'aura pas pris soin de votre mule. Bavard enragé, laissez-nous. Vous fâchez, docteur, les gens de votre état sont bien durs. Pas plus de pitié des pauvres animaux, en vérité, que si c'était des hommes. Adieu, Marceline. Avez-vous toujours envie de plaider contre moi? Pour n'aimer pas, faut-il qu'on se haïsse? Je m'en rapporte au docteur. Qu'est-ce que c'est? Elle vous le comptera, de reste. Ce drôle est toujours le même, et à moins qu'on ne l'écorche vive, je prédis qu'il mourra dans la peau du plus fier insolent. Enfin, vous voilà donc, éternel docteur, toujours si grave et compassé qu'on pourrait mourir en attendant vos secours, comme on s'est marié jadis malgré vos précautions. Toujours amère et provocante. Eh bien, qui rend donc ma présence au château si nécessaire? Monsieur le comte a-t-il eu quelque accident? Non, docteur. La Rosine, sa trompeuse comtesse, est-elle incommodée, Dieu merci? Elle languit. Et de quoi? Son mari la néglige. Le digne époux qui me venge. On ne sait comment définir le comte, il est jaloux et libertin. Libertin par ennui, jaloux par vanité, ça va sans dire. Aujourd'hui, par exemple, il marie notre Suzanne à son Figaro, qu'il comble en faveur de cette union. Que son excellence a rendu nécessaire. Oh, pas tout à fait. Mais dont son excellence voudrait égayer en secret l'événement avec l'épousée. De monsieur Figaro. C'est un marché qu'on peut conclure avec lui. Basile assure que non. Cet autre maraud loge ici, c'est une caverne. Et qui fait-il? Tout le mal dont il est capable. Mais le pis que j'y trouve est cette ennuyeuse passion qu'il a pour moi depuis si longtemps. Je me serais débarrassé 20 fois de sa poursuite. De quelle manière? En l'épousant. Railleur fade et cruel, que ne vous débarrassez-vous de la mienne à ce prix? Ne le devez-vous pas? Où est le souvenir de vos engagements? Qu'est devenu celui de notre petit Emmanuel, ce fruit d'un amour oublié, qui devait nous conduire à des noces? Est-ce pour écouter ces sornettes que vous m'avez fait venir de Séville? Et cet accès d'hymen qui vous reprend si vif? Oh, bien, n'en parlons plus. Mais si rien n'a pu vous porter à la justice de m'épouser, aidez-moi donc du moins à en épouser un autre. Ah, volontiers, parlons. Quel mortel abandonné du ciel et des femmes. Et qui pourrait-ce être, docteur, sinon le beau, le gai, l'aimable Figaro? Ce fripon-là? Jamais fâché, toujours en belle humeur, donnant le présent à la joie et s'inquiétant de l'avenir tout aussi peu que du passé. Sémillant, généreux, généreux. Comme un voleur. Ah, comme un seigneur. Charmant, enfin. Mais c'est le plus grand monstre. Et sa Suzanne? Elle ne l'aurait pas à la rusée, si vous vouliez m'aider, mon petit docteur, à faire valoir un engagement que j'ai de lui. Le jour de son mariage? On en ronde plus avancé. Et si je ne craignais d'éventer un petit secret des femmes? En ont-elles pour le médecin du corps? Ah, vous savez que je n'en ai pas pour vous. Mon sexe est ardent, mais timide. Un certain charme a beau nous attirer vers le plaisir, la femme la plus aventurée sent en elle une voix qui lui dit « Sois belle si tu peux, sage si tu veux, mais sois considérée, il le faut. » Oh, puisqu'il faut être au moins considérée, que toute femme en sent l'importance, effrayons d'abord la Suzanne sur la divulgation des offres qu'on lui fait. Où cela mènera-t-il? Que la honte, la prenant au collet, elle continuera de refuser le comte, lequel, pour se venger, appuiera l'opposition que j'ai faite à son mariage. Alors le mien devient certain. Elle a raison. Parbleu, c'est un bon tour que de faire épouser ma vieille gouvernante au coquin qui fit enlever ma jeune maîtresse. Et qui croit ajouter à ses plaisirs en trompant mes espérances. Et qui m'a volé dans le temps 100 écus que j'ai sur le cœur. Ah, quelle volupté! De punir un scélérat. De l'épouser, docteur, de l'épouser. L'épouser? L'épouser? Qui donc? Mon Figaro. Pourquoi non? Vous l'épousez bien. Le bon argument de femme en colère. Nous parlions, belle Suzon, du bonheur qu'il aura de vous posséder. Sans compter monseigneur, dont on ne parle pas. Votre servante, madame. Il y a toujours quelque chose d'amer dans vos propos. Bien la vôtre, madame. Où donc est l'amertume? N'est-il pas juste qu'un libéral seigneur partage un peu la joie qu'il procure à ses gens? Qu'il procure? Oui, madame. Heureusement, la jalousie de madame est aussi connue que ses droits sur Figaro sont légers. On eût pu les rendre plus forts en les cimentant à la façon de madame. Oh, cette façon, madame, est celle des dames savantes. Et l'enfant ne l'est pas du tout. Innocente comme un vieux juge. Adieu, jolie fiancée de notre Figaro. L'accordée secrète de monseigneur. Qui vous estime beaucoup, madame. Me fera-t-elle aussi l'honneur de me chérir un peu, madame? À cet égard, madame n'a rien à désirer. C'est une si jolie personne que madame. Eh mais, assez pour désoler madame. Surtout, bien respectable. C'est Audouaigne à l'être. Audouaigne? Audouaigne. Marceline. Allons, docteur, car je n'y tiendrai pas. Bonjour, madame. Allez, madame. Allez, pédante. Je crains aussi peu vos efforts que je méprise vos outrages. Oh, vous voyez cette vieille Sibylle? Lorsqu'elle a fait quelques études et tourmenté la jeunesse de madame, elle veut tout dominer au château. Oh, c'est plus ce que je venais prendre. Ah, Susan, depuis 2 heures que j'ai pile le moment de te trouver seule. Hélas, tu te maries et moi je vais partir. Comment mon mariage éloigne-t-il du château le premier pas de monseigneur? Suzanne, il me renvoie. Chérubin, quelques sottises. Il m'a trouvé hier au soir chez ta cousine Fanchette, à qui je faisais répéter son petit rôle d'innocente pour la fête de ce soir. Mmh. Il s'est mis dans une fureur en me voyant. « Sortez, m'a-t-il dit, petit !» Je n'ose pas prononcer devant une femme le gros mot qu'il a dit. « Sortez, et demain vous ne coucherez pas au château !» Si madame, si ma belle marraine ne parvient pas à l'apaiser, c'est fait, Susan. Je suis à jamais privée du bonheur de te voir. De me voir, moi. C'est mon tour. C'est donc plus pour ma maîtresse que vous soupirez en secret. Ah, Susan, qu'elle est noble et belle, mais qu'elle est imposante. C'est-à-dire que je ne le suis pas, et qu'on peut oser avec moi. Mais tu sais trop bien, méchante, que je n'ose pas oser. Mais que tu es heureuse à tout moment, la voir, lui parler, l'habiller le matin et la déshabiller le soir, épingle à épingle. Ah, Susan, je donnerais. Qu'est-ce que tu tiens donc là? Hélas, l'heureux bonnet et le fortuné ruban qui renferme la nuit les cheveux de cette belle marraine. Son ruban de nuit? Donne-le-moi mon cœur! Eh que non pas! Son cœur, comme il est familier, donc. Oh, si ce n'était pas un morveux sans conséquence. Ah, le ruban! Tu diras qu'il est égaré, gâté, qu'il est perdu. Tu diras tout ce que tu voudras. Ah, dans 3 ou 4 ans, je prédis que vous serez le plus grand petit vaurien. Rendez-vous le ruban! Laisse! Oh, laisse-le-moi, Susan. Je te donnerai ma romance. Et pendant que le souvenir de ta belle maîtresse attristera tous mes moments, le tien y versera le seul rayon de joie qui puisse encore amuser mon cœur. Amusez votre cœur. Petit scélérat, vous croyez parler à votre Fanchette? Elle en vous surprend chez elle et vous soupirez pour madame et vous m'en comptez à moi par-dessus le marché. Cela est vrai, d'honneur. Je ne sais plus ce que je suis, mais depuis quelque temps, je sens ma poitrine agitée. Mon cœur palpite au seul aspect d'une femme. Les mots « amour » et « volupté » le font tressaillir et le trouble. Enfin, le besoin de dire à quelqu'un « je vous aime » est devenu pour moi si pressant que je le dis tout seul, en courant dans le parc, à ta maîtresse, à toi, aux arbres, aux nuages, au vent qui les emporte avec mes paroles perdues. Hier, je rencontrais Marceline. Pourquoi non? Elle est femme, elle est fille. Une fille, une femme. Ah, que ces noms sont doux, qu'ils sont intéressants. Et bien fou. Fanchette est douce. Elle m'écoute au moins. Tu ne l'es pas, toi. C'est bien dommage. Écoutez donc, monsieur. Ah, witch. On ne l'aura, vois-tu, ce ruban qu'avec ma vie. Mais si tu n'es pas contente du prix, j'y joindrai 1000 baisers. 1000 soufflets si vous approchez. Je vais m'en plaindre à ma maîtresse et loin de supplier pour vous, je dirai moi-même à monseigneur. C'est bien fait, monseigneur. Chassez-nous ce petit voleur. Renvoyez à ses parents un petit mauvais sujet qui se donne des airs d'aimer madame et qui veut toujours m'embrasser par contre-coup. Le comte, je suis perdu. Quelle frayeur. Tu es émue, Susan? Tu parlais seule? Et ton petit cœur paraît dans une agitation, bien pardonnable au reste un jour comme celui-ci. Monseigneur, que voulez-vous? Si l'on vous trouvait avec moi... Je serais désolé qu'on m'y surprenne, mais tu sais tout l'intérêt que je prends à toi. Basile ne t'a pas laissé ignorer mon amour. Je n'ai qu'un instant pour t'expliquer mes vues. Écoute. Je n'écoute rien. Un seul mot? Tu sais que le roi m'a nommé son ambassadeur à Londres. J'emmène avec moi Figaro. Je lui donne un excellent poste et, comme le devoir d'une femme est de suivre son mari... Ah, oh, si j'osais parler! Parle, parle, ma chère! Use aujourd'hui d'un droit que tu prends sur moi pour la vie. Je ne veux point, monseigneur, je n'en veux point. Quittez-moi, je vous prie. Mais dis auparavant, Je ne sais plus ce que je disais. Sur le devoir des femmes. Eh bien, lorsque Monseigneur enleva la sienne de chez le docteur et qu'il l'épousa par amour, lorsqu'il abolit pour elle un certain affreux droit du Seigneur... qui faisait bien de la peine aux filles. Ah, Suzette, ce droit charmant. Si tu venais en jaser sur la brune, au jardin, je mettrais un tel prix à cette légère faveur. Il n'est pas chez lui, Monseigneur. Quelle est cette voix? Je suis malheureuse. Sors, pour qu'on n'entre pas. Que je vous laisse ici? Monseigneur était chez madame, il en est sorti, je vais voir. Et pas un lieu pour se cacher. Ah, derrière ce fauteuil, assez mal, mais renvoie-le bien vite. N'auriez-vous pas vu Monseigneur, mademoiselle? Et pourquoi l'aurais-je vu? Laissez-moi. Oh, si vous étiez plus raisonnable, il n'y aurait rien d'étonnant à ma question. C'est Figaro qui le cherche. Il cherche donc l'homme qui lui veut le plus de mal après vous. Voyons un peu comme il me sait. Désirer du bien à une femme, est-ce vouloir du mal à son mari? Non, dans vos affreux principes, agent de corruption. Oh, que vous demande-t-on ici que vous n'alliez prodiguer à un autre? Grâce à la douce cérémonie, ce qu'on vous défendait hier, on vous le prescrira demain. Indigne! De toutes les choses sérieuses, le mariage étant la plus bouffonne, j'avais pensé... Des horreurs! Qui vous permet d'entrer ici? Là, là, mauvaise! Dieu vous apaise, il n'en sera que ce que vous voulez. Mais ne croyez pas non plus que je regarde M. Figaro comme l'obstacle qui nuit à Monseigneur. Et sans... Le petit page. Don Chérubin. Cherubino di amore. Qui tourne autour de vous sans cesse et qui ce matin encore rôdait ici pour y entrer quand je vous ai quitté. Dites que cela n'est pas vrai. Quelle imposture. Allez-vous-en, méchant homme. Oh, on est un méchant homme parce qu'on y voit clair. N'est-ce pas pour vous aussi cette romance dont il fait mystère? Ah oui. Pour moi. À moins qu'il ne l'ait composé pour madame. En effet, quand il sert à table, on dit qu'il la regarde avec des yeux. Mais peste qu'il ne s'y joue pas. Monseigneur est brutal sur l'article. Et vous bien scélérat d'aller semant de pareils bruits pour perdre un malheureux enfant tombé dans la disgrâce de son maître. Que l'ai-je inventé? Je le dis parce que tout le monde en parle. Comment? Tout le monde en parle? Oh ciel! Courez, Basile, et qu'on le chasse. Que je suis fâché d'être entré. Oh, mon Dieu! Mon Dieu! Elle est saisie. Asseyons-la, dans ce fauteuil. Ah, je ne veux pas m'asseoir! Entrer ainsi librement, c'est indigne. Nous sommes deux avec toi, ma chère. Il n'y a plus le moindre danger. Moi, je suis désolé de m'être égayé sur le page, puisque vous l'entendiez. Oh, je n'en usais ainsi que pour pénétrer ses sentiments, car au fond... 50 pistoles, un cheval, et qu'on le renvoie à ses parents. Monseigneur, pour un badinage... Un petit libertin que j'ai surpris encore hier avec la fille du jardinier. Avec Fanchette. Et dans sa chambre. Où Monseigneur avait sans doute affaire aussi. J'en aime assez la remarque. Elle est d'un bon augure. Mais non. J'allais chercher ton oncle Antonio, mon ivrogne de jardinier, pour lui donner des ordres. Je frappe. On est longtemps à m'ouvrir. Ta cousine a l'air empêtrée. Je prends un soupçon, je lui parle. Et tout en causant, j'examine. Il y avait derrière la porte... une espèce de rideau, de porte-manteau, de je ne sais pas quoi qui couvrait des hardes. Sans faire semblant de rien, je vais doucement, doucement lever ce rideau et je vois... Ah, ah, ah, ce tour-ci vaut l'autre. Encore mieux. À merveille, mademoiselle, à peine fiancée, vous faites de ces apprêts. C'était pour recevoir mon page que vous désiriez d'être seul. Et vous, monsieur? Qui ne changeait point de conduite. Il vous manquait de vous adresser sans respect pour votre marraine à sa première camariste, à la femme de votre ami. Mais je ne souffrirai point que Figaro, qu'un homme que j'estime et que j'aime, soit victime d'une pareille tromperie. Était-il avec vous, Basile? Il n'y a ni tromperie, ni victime. Il était là lorsque vous me parliez. Puisses-tu mentir en le disant, sans plus cruel ennemi n'oserait lui souhaiter ce malheur? Il me priait d'engager madame à vous demander sa grâce. Votre arrivée l'a si fort troublée qu'il s'est masqué de ce fauteuil. Ruse d'enfer! Je m'y suis assis en entrant. Hélas, monseigneur, j'étais tremblant derrière. Autre fourberie, je viens de m'y placer moi-même. Pardon, mais c'est alors que je me suis blotti dedans. C'est donc une couleuvre que ce petit serpent-là. Il nous écoutait? Au contraire, monseigneur. J'ai fait ce que j'ai pu pour ne rien entendre. Oh, perfidie! Suzanne, tu n'épouseras pas Figaro. Contenez-vous, on vient. Il resterait là devant toute la terre. Il n'y a que vous, madame, qui puissiez nous obtenir cette faveur. Vous les voyez, monsieur le comte. Ils me supposent un crédit que je n'ai point. Mais comme leur demande n'est pas déraisonnable... Il faudrait qu'elle le fût beaucoup. Soutiens bien mes efforts. Qui ne mèneront à rien. Va toujours. Que voulez-vous ? Monseigneur, vos vassaux touchés de l'abolition d'un certain droit fâcheux que votre amour pour madame... Eh bien, ce droit n'existe plus. Que veux-tu dire ? Qu'il est bien temps que la vertu d'un si bon maître éclate. Elle m'est d'un tel avantage aujourd'hui que je désire être le premier à la célébrer à mes noces. Tu te moques, ami. L'abolition d'un droit honteux n'est que l'acquis d'une dette envers l'honnêteté. Un Espagnol peut vouloir conquérir la beauté par des soins, mais en exiger le premier et le plus doux emploi comme une servile redevance. Ah, c'est la tyrannie d'un vandale, et non le droit avoué d'un noble castillan. Permettez donc que cette jeune créature de qui votre sagesse a préservé l'honneur reçoive de votre main publiquement la toque virginale, ornée de plumes et de rubans blancs, symbole de la pureté de vos intentions. Adoptez-en la cérémonie pour tous les mariages. Et qu'un quatrain chanté en chœur rappelle à jamais le souvenir... Si je ne savais pas qu'amoureux, poète et musicien sont trois titres d'indulgence pour toutes les folies... Joignez-vous à moi, mes amis. Monseigneur. Pourquoi fuir un éloge que vous méritez si bien? La perfide. Regardez-la donc, monseigneur. Jamais plus jolie fiancée ne montrera mieux la grandeur de votre sacrifice. Laisse là ma figure et ne vantons que sa vertu. C'est un jeu que tout ceci. Je me joins à eux, monsieur le comte. Et cette cérémonie me sera toujours chère, puisqu'elle doit son motif à l'amour charmant que vous aviez pour moi. Que j'ai toujours, madame. Et c'est à ce titre que je me rends. Viva ! Je suis pris. Pour que la cérémonie eût un peu plus d'éclat, je voudrais seulement qu'on la remît à tantôt. Faisons vite chercher Marceline. Eh bien, espiègle, monsieur chérubin, vous n'applaudissez donc pas? Il est au désespoir, monseigneur le renvoie. Ah, monsieur, je demande sa grâce. Il ne la mérite point. Hélas, il est si jeune. Pas tant que vous le croyez. Pardonner généreusement n'est pas le droit du seigneur auquel vous avez renoncé en épousant madame. Il n'a renoncé qu'à celui qui vous affligeait tous. Si monseigneur avait cédé le droit de pardonner, ce serait sûrement le premier qu'il voudrait racheter en secret. Sans doute. Et pourquoi le racheter? Je fus léger dans ma conduite, il est vrai, monseigneur. Mais jamais la moindre indiscrétion dans mes paroles. Eh bien, c'est assez. Qu'entend-il? C'est assez, c'est assez. Tout le monde exige son pardon. Je l'accorde. Et j'irai plus loin. Je lui donne une compagnie dans ma légion. Viva ! Mais c'est à condition qu'il partira sur le champ pour joindre en Catalogne. Oh, monseigneur, demain. Je le veux. J'obéis. Saluez votre marraine et demandez sa protection. Puisqu'on ne peut vous garder seulement aujourd'hui, partez, jeune homme. Un nouvel état vous appelle. Allez le remplir dignement. Honorez votre bienfaiteur. Souvenez-vous de cette maison où votre jeunesse a trouvé tant d'indulgence. Soyez soumis, honnête et brave. Nous prendrons part à vos succès. Vous êtes bien émue, madame. Je ne m'en défends pas. Qui sait le sort d'un enfant jeté dans une carrière aussi dangereuse? Il est allié de mes parents et de plus il est mon filleul. Je vois que Basile avait raison. Jeune homme, embrassez Suzanne pour la dernière fois. Pourquoi cela, monseigneur? Il viendra passer ses hivers. Baise-moi donc aussi, capitaine. Adieu, mon petit chérubin. Tu vas mener un train de vie bien différent, mon enfant. Dame, tu ne rôderas plus tout le jour au quartier des femmes. Plus d'échaudé, de goûter à la crème, plus de mains chaudes ou de col à maillard. De bons soldats, morbleu, basanés, mal vêtus, un grand fusil bien lourd, tourne à droite, tourne à gauche, en avant, marche à la gloire! Et ne va pas broncher en chemin, à moins qu'un bon coup de feu. Fuis dans l'horreur! Quel pronostic! Où donc est Marceline? Il est bien singulier qu'elle ne soit pas des vôtres. Monseigneur, elle a pris le chemin du bourg par le petit sentier de la ferme. Et elle en reviendra. Quand il plaira à Dieu. S'il lui plaisait qu'il ne lui plût jamais. Monsieur le docteur lui donnait le bras. Le docteur est ici? Mais elle s'en est d'abord emparée. Il ne pouvait venir plus à propos. Elle avait l'air bien échauffée. Oui. Elle parlait tout haut en marchant. Puis elle s'arrêtait et faisait comme ça, de grands bras. Et monsieur le docteur, lui, faisait comme ça de la main, en l'apaisant. Elle paraissait si courroucée. Et elle nommait mon cousin Figaro. Un cousin futur. Monseigneur, nous avez-vous pardonné d'hier? Bonjour, bonjour, petite. C'est son chien d'amour qui la berce. Elle aurait troublé notre fête. Elle la troublera, je t'en réponds. Allons, madame, entrons. Basile, vous passerez chez moi. Tu me rejoindras, mon fils. Est-il bien enfilé? Charmant garçon. Ah, ça, vous autres. La cérémonie adoptée, ma fête de ce soir en est la suite. Il faut bravement nous recorder. Ne faisons point comme ces acteurs qui ne jouent jamais si mal que le jour où la critique est le plus éveillée. Nous n'avons point le lendemain qui nous excuse, nous. Sachons bien nos rôles aujourd'hui. Le mien est plus difficile que tu ne crois. Tu es loin aussi de savoir tout le succès qu'il te vaudra. Mon ami, tu oublies que je pars. Et toi, tu voudrais bien rester. Ah, si je le voudrais. Il faut ruser. Point de murmure à ton départ. Le manteau de voyage à l'épaule, arrange ouvertement ta trousse et convoie ton cheval à la grille. Un temps de galop jusqu'à la ferme. Reviens à pied par les derrières. Monseigneur te croira parti, tiens-toi seulement hors de sa vue. Je me charge de l'apaiser après la fête. Mais Fanchette, il ne sait pas son rôle. Que diable lui apprenez-vous donc depuis 8 jours que vous ne la quittez pas? Tu n'as rien à faire aujourd'hui, donne-lui par grâce une leçon. Prenez garde, jeune homme, prenez garde. Le père n'est pas satisfait. La fille a été souffletée, elle n'étudie pas avec vous. Chérubin, vous lui causerez des chagrins. T'en vas la cruche à l'eau. Voilà notre imbécile avec ses vieux proverbes. Eh bien, pédant, que dit la sagesse des nations? T'en vas la cruche à l'eau qu'à la fin... elle s'emplit. Ah, pas si bête, pourtant. Oh, pas si bête.